Bosco Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 18 mars 2019. Voici les grands titres de cette édition. À partir du 1er avril prochain, toute personne qui aura besoin d'une ambulance mais qui n'aura pas de carte montrant qu'elle a donné une somme de 2000 francs burundais comme contribution ordinaire et annuelle devra d'abord payer un montant équivalent à 20 litres de gazoil. Nous aurons les précisions dans notre correspondante Specialitas. Et dans la série de présentations de projets de société par les partis politiques, aujourd'hui nous vous proposons le parti APDR qui souhaite que les appels d'offres pour l'emploi ne nécessitent pas d'expérience pour ne faire que le test de sélection. Et puis en actualité sous-régionale, au moins 24 personnes sont mortes en République démocratique du Congo dans le déraillement d'un train. C'était ce dimanche. Voilà pour les principaux titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. La répression des crimes en général et ceux relatifs à la justice populaire en particulier contribuerait à stopper de tels agissements qui prennent de l'ampleur ces derniers jours en province Rumonge. Tels sont les avis et considérations formulés ce samedi à Rumonge lors d'un débat organisé par l'association Yaga Burundi. Mais faut-il que les témoins à charge s'acquittent de leurs devoirs en faveur de la justice? Correspondance de Jean-Pierre Misago. Selon certains participants dans ce débat organisé par l'association Yaga Burundi, des malfaiteurs sont appréhendés et libérés aussitôt remis à la police. Dans ces conditions, une justice populaire consécutive à la colère est faite pour d'autres. Des jeunes se font justice, estimant qu'aucune personne ne peut les punir. Dans tous les cas, les instances judiciaires devraient faire leur travail et l'administration et les responsables des groupes de jeunes devraient les ramener à l'ordre. Du côté de la police et du parquet, l'on informe qu'il arrive qu'un présumé malfaiteur soit libéré faute de preuves de culpabilité. À chaque fois qu'une personne est arrêtée pour une cause quelconque, les témoins à charge devraient donc se présenter pour faciliter la tâche aux instances judiciaires. Au niveau du parquet d'Ormongue, l'on informe que certains dossiers de ceux qui sont accusés de commettre la justice populaire sont déjà clôturés et d'autres sont encore en instruction pour tenter d'éradiquer ce fléau qui prend de l'ampleur ces derniers temps en province Rumonge. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et le président du parti Uprona en province Cibitoke accuse certains administratifs à la base de boycotter les activités de son parti. Il donne l'exemple de la rencontre de ce dimanche sur la colline Kajerama. L'administrateur de la commune Mourgui nie en bloc ses accusations adressées à ses administratifs à la base en précisant qu'aucune activité du parti Uprona n'a été perturbée. Alexis Ndahiragije. Ces grognes du représentant du parti Uprona en province de Bitoki, le député Etienne Simbakira, sont adressées aux administratifs à la base qui indiquent qu'ils boycottent les accès de son parti en commune Mourgui. Le député Etienne Simbakira donne l'exemple de ce dimanche sur la colline Kajirama, où l'endroit où devait se tenir la réunion a été changé. À part cela, il affirme qu'il y avait des jeunes envoyés par le chef de zone Mohindo qui essaient de terroriser les membres du parti Uprona et sont à les empêcher de se diriger sur le lieu de la rencontre. Le député précise qu'il y avait un propriétaire d'un moulin qui a perturbé la réunion en mettant en marche cet engin pour brouiller les ondes des intervenants. L'administrateur de la commune Mogui, Joseph Chisa, nie en bloc ces accusations en affirmant qu'aucune activité des partis politiques n'a été perturbée dans la commune de son ressort. Joseph Chisa, administrateur de la commune Mogui, donne l'exemple de la rencontre du parti Prona de ce dimanche à Kajerama, où cette rencontre s'est bien déroulée sans aucun incident, précisant que les pluies qui pouvaient perturber la réunion sont tombées après que la réunion ait été clôturée, même ceux qui dirigeaient la rencontre étant déjà parti. Depuis Cibitoke, Alexis Ndahiragije, Radio Isanganiro. Merci Alexis. Dans la série de présentations de projets de société par les partis politiques, aujourd'hui nous vous proposons le parti APDR qui souhaite que les appels d'offres pour l'emploi ne nécessitent plus d'expérience pour ne faire que le test de sélection. Gabriel Banzawi Tondé dit qu'il est aussi nécessaire qu'il y ait un ministère chargé spécialement du développement rural. Et ce parti insiste également sur le rétablissement des relations diplomatiques du Burundi avec d'autres pays. Suivez plutôt Gabriel Banzawi Tondé, c'est le président du parti APDR. Parmi les projets à mettre en avant, d'abord est divisé en deux. Il y a le projet à rapport avec l'économie et le développement du pays, ainsi que l'économie et le développement du bas peuple. Pour l'économie et le développement du pays, nous allons agrandir les relations avec les autres pays. Donc, nous allons agrandir la diplomatie pour avoir beaucoup d'amis. Il y a aussi le développement des sociétés publiques. Au lieu de privatiser, mais plutôt, le gouvernement va gérer ces sociétés, mais aussi créer des autres sociétés publiques pour l'intérêt du pays. Nous allons construire les bâtiments du gouvernement, puisqu'on a constaté que le gouvernement dépense beaucoup d'argent en louant les maisons, en louant les bureaux. Nous allons aussi construire les routes. Les routes, puisqu'on a vu que les routes sont parmi les meilleurs moyens pour atteindre le développement durable. En rapport avec la sécurité, il faut que la sécurité soit garantie à tout peuple. C'est pourquoi nous allons soutenir la police et l'armée, en fait de doter les éléments nécessaires pour atteindre l'objectif de la sécurité. En rapport avec la justice, il faut que la justice soit indépendante, en fait de lutter toutes formes d'ingérence du gouvernement dans la question de la justice. En rapport avec la bonne gouvernance, nous allons lutter de toutes forces la corruption, mais aussi de récupérer les patrimoines de l'État qui ont été malversés par quelques gens. Les radios, nous allons aider les radios, quelle que soit la radio nationale ou bien la radio privée, à tel point que toute la population aura accès à l'information nécessaire. Donc nous allons aider ces médiums. Et nous allons aussi faciliter les investisseurs, quelle que soit. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais dans les titres, à partir du 1er avril prochain, toute personne ayant besoin d'ambulance et sans carte montrant qu'elle a donné une somme de 2000 francs burundais comme contribution ordinaire et annuelle par ménage devra d'abord payer un montant équivalent à 20 litres de gasoil. Cette mise en garde est donnée par le médecin chef de district Manda dans sa lettre d'avertissement adressée à tous les directeurs des hôpitaux et centres de santé. Dr Richard Nimbona demande aux techniciens de promotion de santé de sensibiliser la population afin qu'elle contribue au fonctionnement de l'ambulance. Les détails dans cette correspondance d'Hospice Caritas Cavagnana. Dans cette correspondance ayant comme objet avertissement, le médecin chef de district Manda demande à tous les techniciens de la promotion de la santé de sensibiliser la communauté de contribuer au fonctionnement de l'ambulance. Comme le signalent souvent les autorités administratives dans des réunions ordinaires avec la population, chaque ménage doit contribuer une somme de 2000 francs par an en échange d'une carte de contribution. Sinon, Dr Richard Nimbona précise dans cette correspondance adressée aux directeurs des hôpitaux et aux responsables des centres de santé qu'à partir du mois d'avril prochain, toutes les personnes en besoin d'ambulance et sans carte de contribution devra d'abord payer un montant équivalent à 20 litres de gasoil. Il précise également que cette ambulance est déjà amortie et est souvent au garage, alors que la contribution des communes et de la communauté ne suivent pas. Les habitants de Manda contactés demandent plutôt aux responsables sanitaires d'alléger cette mesure et se demandent comment celui qui ne parvient pas à contribuer 2000 francs pourra payer sur le lit de l'hôpital plus de 40 000 francs. Précisons que cette ambulance du district sanitaire de Manda a passé à peu près 3 semaines au garage depuis février jusqu'à ce mois de mars, ce qui avait causé des problèmes aux usagers, comme ils nous l'ont précisé. Et le district sanitaire de Manda couvre 3 communes, Manda, Gihanga et Rugazi. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spé. C'est la rivière Kinyangongé se trouvant au quartier 10 de la zone Ngagara, tout près de la route menant à l'aéroport, et rempli de différents déchets ménagers qui se déversent à la fin dans le lac Tanganyika. Des gens qui exercent leur métier tout près de cette rivière font remarquer que lorsqu'elle est totalement pleine de ces déchets, l'eau déborde dans les routes, d'où ils craignent pour leur santé. Le constat d'Ornella Mucho. Sous la route communément appelée Kigeni, tout près de la rivière Kinyangongé, ce n'est pas facile de constater qu'il y a une rivière. En s'y approchant à peu plus à 2 mètres, c'est là où tu peux voir une partie de la rivière et une autre couverte de déchets ménagers constituée en grande partie de bouteilles en plastique. Gakodi Selemani, on l'a trouvé en train de ramasser ces bouteilles et dit que ces plastiques viennent des quartiers environnants de cette rivière. Nakalutimana Tanaz et Pascal, qui exercent leur métier tout près de cette rivière, ils indiquent que des fois, ces déchets débordent dans les routes. Ces gens rencontrés tout près de la rivière Kinyangongé disent qu'ils craignent pour leur santé suite aux déchets observés dans cette rivière et qui, à la fin, polluent le lac Tanganyika et lancent un appel vibrant aux autorités de prendre en main cette question. Merci Ornella Mucho. Pénurie d'eau potable qui s'observe dans le quartier Nyabagere de la zone Guihosha, mairie de Bujumbura. Certains habitants de cet endroit disent qu'ils sont alimentés en eau potable à peine 2 heures par jour. Ils expliquent que cette situation les oblige à utiliser l'eau sale de la rivière Nyabagere pour la vaisselle et craignent de ce fait d'attraper les maladies des mains sales. C'est pourquoi ils demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Les détails avec Vestine Otoy. Un de ses habitants indique qu'ils sont alimentés en eau potable via la régie des eaux dans un délai ne dépassant que 2 heures par jour. 2 heures par jour, c'est-à-dire de 7 heures du matin à 9 heures du matin. Il ajoute que puisque cette eau est insuffisante, on l'utilise pour boire. Et concernant la cuisson, la vaisselle et d'autres tâches ménagères, ils font recours à l'eau de la pluie et celle de la rivière Nyabagere. De ce fait, ils ont du mal à faire l'hygiène dans leur maison car, par exemple, ceux qui possèdent des toilettes à siège à l'intérieur de leur maison sont incapables de les garder toujours propres. Des inquiétudes d'être attrapés par des maladies des mains sales ne manquent pas à l'endroit de ces habitants. Si nous puisons dans la rivière qui passe, il y a des maladies. Et le pharmacien de cette localité fait savoir que le stock des médicaments traitant les verminoses s'écroule avant les autres stocks. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Il y a plus de 2 mois que la situation est ainsi. Vestine Boutoui, actualité sportive, un footballeur qui joue de façon professionnelle doit passer obligatoirement par 3 phases d'évolution organisées selon l'âge des joueurs, d'après un expert du football, en même temps président en charge des compétitions au sein de la Fédération Burundaise de Football, FFB. Youssouf Moussi explique que le processus de promotion et de relégation des équipes se fait selon le règlement juridique de la Fédération Internationale de Football, la FIFA. Cette chronique sportive est signée Jean-Marie Vianney Gendakoumane. Un joueur professionnel doit d'abord passer dans la phase de préformation avant de jouer la pratique et les arts du football dans une équipe. Cela est dit par Youssouf Moussi, expert en matière de football. Au niveau de la pratique du football, un joueur normalement doit passer dans toutes les phases d'évolution. Il y a tout d'abord la préformation qui commence avec les jeunes entre 7 ans et 12 ans. Et puis nous avons la formation qui s'occupe de la catégorie entre les plus de 12 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. Puis nous avons en ce moment-là, à la fin, au-delà de 20 ans, il y a alors la pratique réelle du football. Ce président en charge des compétitions au sein de la Fédération Burundaise de Football, FFB, fait savoir que le joueur qui respecte ses principes a des avantages dans sa carrière. Un jeune doit passer tous ses stades s'il veut bien évoluer. Mais malheureusement, en Afrique, nous pêchons beaucoup. Nous ne respectons pas ces catégories. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une politique claire de formation de la carrière d'un joueur. Selon toujours Youssouf Moussi, le principe de la relégation et de la promotion se fait en respectant les textes juridiques de la Fédération internationale de football et FIFA. Un joueur doit être intégré dans la division où son âge lui permet de pouvoir jouer. C'est pourquoi vous allez voir que un joueur, par exemple, qui a l'âge de 12 ans, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir le faire évoluer avec les jeunes de moins de 20 ans ou au-delà de 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'il ne répond pas aux critères. Le premier critère d'organisation des compétitions, c'est que le football doit être joué par des joueurs ayant le même âge. Donc c'est ça qui conditionne, parce que je peux mettre par exemple un jeune qui a autour de 15 ans, avec les joueurs, même s'il est talentueux, je peux le mettre avec les jeunes de plus de 20 ans. Dans quelques jours, le joueur sera complètement amorti. Pourquoi ? Parce que son organisme ne peut pas répondre. La loi dit quoi pour que l'équipe peut être reléguée ou bien peut être avancée dans l'autre division ? Bon, ce qui se passe quand vous élaborez votre règlement avant le début du championnat, vous devez veiller à ce que, au niveau du règlement, le principe de la promotion et de la relégation soit respecté. Et c'est ça qui crée la compétitivité. Donc, en mettant en place ce règlement, ça vous permet de pouvoir faire promouvoir ceux qui ont satisfait aux conditions, donc les premiers. et les derniers qui ont démérité de pouvoir les reléguer dans les divisions inférieures. Ça, c'est un principe universel qui se fait partout. Dans le projet chronique sportif, Youssouf Mossi expliquera le rôle d'entraîné de football et les règles que les joueurs doivent respecter quand ils sont dans le terrain de football. Jean-Marie Vianney, Ngendakoumana, et nous ouvrons la rubrique des nouvelles internationales. Au moins 24 personnes sont mortes en RDC dans le déraillement d'un train ce dimanche et la Société nationale des chemins de fer de la République démocratique du Congo confirme qu'un train a déraillé tuant au moins 24 personnes, pour la plupart des enfants. Plus de 30 autres ont été blessés. Les plus graves ont été acheminés à l'hôpital voisin de Kakenge, en territoire de Mweka. L'accident qui s'est produit dans la province du Kasaï mettait en cause un train de marchandises transportant des passagers clandestins. Selon la police, plusieurs wagons sont tombés dans une rivière et n'ont pas encore été fouillés pour savoir s'ils contiennent d'autres victimes. Et c'est le troisième accident de train à l'espace d'un mois au centre de la RDC. Le mois dernier, un train de passagers avait connu un accident à la gare de Kalenda, Lomami, causant 5 morts. La Société nationale des chemins de fer attribue ces accidents à répétition à l'état vétuste du réseau ferroviaire qui n'est pas correctement entretenu. Les experts du transport indiquent que de nombreux trains au Congo datent des années 1960. Et le bilan de l'attaque ce dimanche d'un camp de l'armée malienne dans le centre du pays est lourd. 21 militaires maliens tués, des blessés et des disparus. Dans un communiqué, les forces armées maliennes accusent un déserteur de l'armée d'avoir dirigé cette opération qualifiée de terroriste. Il s'agit de l'ex-colonel Ba Ag Moussa, alias Ba Moussa Diara, qui a rejoint dès 2012 les rangs de groupes armés proches du djihadiste Iyad Ag Gali, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Pour rappel, des dizaines d'hommes armés venus à moto et en voiture ont pris d'assaut le campement militaire de Dioura dimanche à l'aube, tuant plus de 20 soldats maliens selon des élus locaux. Il aura fallu plusieurs heures de combat, des renforts aériens et terrestres pour que l'armée malienne reprenne le contrôle de la base de Dioura. Enfin, dans la tourmente depuis le crash aérien en Éthiopie, Boeing, c'est la société qui a construit l'avion, la 737 MAX, dit être sur le point de finaliser une correction importante sur ses avions de cette catégorie 737 MAX. Pour rappel, un avion d'Ethiopian Airlines s'est crashé dimanche 10 mars au matin, juste après son décollage de l'aéroport international d'Addis Abeba. Le vol ET-302 reliait la capitale éthiopienne à Nairobi. La compagnie indique avoir perdu le contact 6 minutes après le départ. Les recherches et opérations de sauvetage sont en cours à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Addis Abeba, dans les environs de Bishoftu. L'avion comptait 149 passagers et 8 membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant, indique la compagnie aérienne. Le Parlement éthiopien a décrété une journée de deuil national. C'était lundi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un bon après-midi.